absolu dans le noir dans la nuit. Quelle est cette pointe aiguille, quelle est ce cri défendu? Sera malgré ma délégation. mio, c'er mamma desolation, sir le cadra al ciel, me scesa dell'otre la mer. Le vingt-quatre heures sacrées, les heures sont recommencées, pour recommencer. Si admire celle qui lève de ton désir commence pour ne pas finir. Je suis mort, j'en ai assez. Ne me parle point de clair. L'heure que j'ai embrassée est celle-là sur ma couche, dans une étreinte farouche. Il me rassure à tout qui vive, profonde définitive. Profonde, définitive, incapable de passer. Pour échapper à la justice, il ne suffit pas d'être mort. Le crime, son avarice, est précieux comme de l'or. Les ténèbres complices, pourquoi viens-tu, me chercher? Au fond de mon précipice, je demande qu'à rester. Épargne-moi le supplice. Supplice de la visibilité. Trop tard pour toi, résistance, dans les cieux de son évidence. Le soleil va s'élever. Oh, soleil de la justice, initia. dalle sanglots e le blasfeme. Tua manene mi si preme, la detestò.